leur a fallu près de 15 ans pour séquencer le premier génome humain, il faut aujourd'hui quelques heures tout au plus. Et ce, en partie, grâce au progrès de la technique et de l'informatique dans le traitement des gros volumes de données. Depuis quelques années, des chercheuses et des chercheurs mettent à profit les incroyables progrès effectués en intelligence artificielle pour développer la recherche en génomique, remplir des séquences manquantes à l'échelle d'un génome entier, modifier des génomes animaux pour les rendre compatibles avec l'humain ou à terme, produire un génome de synthèse entièrement compilé grâce à l'IA pour lever les barrières éthiques de la recherche sur l'être humain. Génomique et IA, les liaisons fructueuses, c'est le programme informatico-biologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment se rencontre et s'interpénètre la recherche en génomique et les dernières recherches en réseau de neurones et en apprentissage machine, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Flora Jay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse CNRS au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique à l'université Paris-Saclay. Et Julien Modiconacci, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en biologie computationnelle au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais on commence par le tour de l'actualité scientifique du jour. Et c'est comme chaque jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Une étude parue dans la revue Biological Reviews affirme qu'il n'y a pas d'ambiguïté, nous vivons bien une sixième extinction de masse. Oui, il y a les climato-sceptiques ou le déni de la crise climatique, mais il y a aussi les biodiversités sceptiques qui affirment qu'il n'y aurait pas une grave crise de la biodiversité. Cette étude, c'est une réponse à ce courant dont l'argument principal est qu'il est naturel que les espèces s'éteignent et que le taux d'extinction actuel ne diffère pas du taux naturel. Alors quand on regarde la liste rouge de l'UICN qui recense les espèces menacées et éteintes, on voit que 900 espèces sont éteintes officiellement. 900 espèces sur 2 millions. En effet, cela donne un taux de 0,04%. Mais selon les auteurs de cette étude, attention, ce chiffre n'est pas représentatif de l'extinction en cours et la liste rouge de l'UICN est biaisée. Elle ne prend pas en compte les invertébrés. Si c'était le cas, nous arriverions à des taux d'extinction de 7 à 13%. Benoît Fontaine travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Office français de la biodiversité. Il est le co-auteur de cette étude et il confirme l'ampleur de cette crise. Ce document de référence, c'est la liste rouge de l'UICN. Et c'est vrai que c'est un document très important, c'est un outil extrêmement sérieux et qui fonctionne en prenant les espèces une à une. Et donc fatalement, les espèces qu'on peut faire passer au crible de la liste rouge, c'est des espèces qu'on connaît bien. Et l'autre processus ultime dans la disparition d'une espèce, c'est quand elle s'éteint. Mais pour lister une espèce comme éteinte, c'est pas simple, parce que on peut jamais prouver l'absence, en fait. On peut prouver la présence. Si on trouve l'espèce, on est sûr qu'elle vit encore. Si on la trouve pas, on n'est pas sûr qu'elle vit plus. Et du coup, la liste rouge est extrêmement prudente pour déclarer une espèce éteinte. Et les espèces pour lesquelles on peut avoir suffisamment de confiance pour dire qu'elles sont éteintes, c'est les espèces qu'on connaît bien. Et donc c'est essentiellement des mammifères, des oiseaux, et puis bon, de quelques autres. Or, les mammifères, c'est 5000 espèces. Les oiseaux, c'est 10 000 espèces sur Terre, et il y a à peu près 2 millions d'espèces. En gros, les vertébrés en général, donc mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, c'est 3% des espèces connues. Si on regarde que ce qu'il y a dans la liste rouge, on regarde le statut de conservation de 3% de la biodiversité. Et donc, basé sur les chiffres de la liste rouge pour dire qu'il n'y a pas de crise d'extinction, on a un raisonnement qui est biaisé. Nous, on essaye de remettre les pendules à l'heure et de dire ben non, mais en fait, il faut regarder le reste de la biodiversité. Et on prend des exemples sur des études qu'on a faites, notamment sur les escargots, pour montrer à quel point les chiffres sont beaucoup plus alarmants que 0,04% d'extinction. L'ensemble des invertébrés, c'est des centaines de milliers d'espèces. Il y a 250 000 espèces de coléoptères, par exemple, connues. Et donc, nous, on a pris une autre approche. On a pris un échantillon sur des mollusques terrestres et on a pris les infos dont on disposait, c'est-à-dire c'est les dates auxquels ces espèces ont été trouvées dans la nature. Notre échantillon d'espèces, là on a pris 200 espèces du monde entier, on voit qu'il y en a une qui a été collectée par exemple tous les 20 ans entre 1830 et aujourd'hui. Et puis une autre qui est collectée tous les 10 ans entre 1800 et 1850 et plus du tout après. Et on a construit un modèle probabiliste là-dessus qui calcule une probabilité d'extinction en fonction de la répartition des dates. Et donc on peut dire pour nos 200 espèces, il y a celle-là, elle a tant de chances d'être éteinte. C'est qu'à peu près 10% de l'échantillon, c'est des espèces qui sont éteintes. Un échantillon pris complètement au hasard. Si on veut savoir ce qui se passe, il faut regarder l'ensemble et pas 3% des espèces. Voilà, si vous voulez retrouver cette étude du Muséum National d'Histoire Naturelle, eh bien nous venons, comme chaque jour, de poster le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une grande majorité de l'Europe sera bientôt contaminée par le variant Omicron. Oui, au 10 janvier, 26 pays de l'Union européenne ont déclaré que plus de 1% de leur population attrapait le Covid-19 chaque semaine. Selon l'OMS, à ce rythme-là, on peut s'attendre dans les 6 à 8 prochaines semaines à ce que 50% des Européens soient infectés par le virus. La pandémie de coronavirus évolue rapidement vers une endémie, a déclaré l'Agence européenne des médicaments. Et elle ajoute, avec Omicron, il y aura beaucoup plus d'immunité naturelle, en plus de la vaccination. Personne ne sait exactement quand nous serons au bout du tunnel, mais nous y arriverons. Selon une étude parue hier dans Advances in Atmospheric Sciences, les températures des océans n'ont jamais été aussi élevées. 6 années consécutives que les températures océaniques battent des records, et ce, malgré des épisodes de froid comme la Niña, un phénomène climatique. La concentration accrue de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente la teneur en chaleur des océans. Donc à partir de deux ensembles de données, cette équipe internationale montre qu'en 2021, l'océan mondial était le plus chaud jamais enregistré depuis les premiers enregistrements des températures marines en 1950. Si nous ne baissons pas nos émissions de gaz à effet de serre, les températures océaniques continueront de battre des records, avertissent les auteurs. Et enfin, des océans, il y en aurait peut-être sous la surface de Mimas, l'une des petites lunes de Saturne. Oui, ce sont les résultats étonnants de cette étude parue dans la revue Icarus. Étonnant, car on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un océan souterrain. Car contrairement à Europe et Encelade, les lunes de Jupiter et de Saturne, sur la surface de Mimas, on ne voit pas d'activité géologique. Ces chercheurs américains se sont appuyés sur les données de la sonde Cassini pour faire de nouvelles modélisations. Selon les calculs de sa chaleur interne, il pourrait y avoir un océan sous la coquille de glace de Mimas à 24 km de profondeur. Un océan liquide, chauffé par les effets de marée liés à la gravité de Saturne. Ces résultats suggèrent que dans notre système solaire, ces mondes océaniques dissimulés sont sûrement plus nombreux que nous ne le pensions. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Toutes nos cellules possèdent le même code ADN. Vous le savez si vous êtes une auditrice ou un auditeur régulier de France Culture. Vous savez également que toutes nos cellules ne se ressemblent pas et ont des rôles, des formes et des fonctions bien distinctes. Certains gènes de ce même patrimoine, de ce patrimoine ADN commun, sont donc exprimés par endroits et éteints à d'autres. Ces gènes codants ne représentent qu'environ 2% du total de notre ADN. Dans les 98 autres se cache le programme, justement, de l'expression ou de l'extinction de ces gènes. Or, il y a dans nos chromosomes en tout plus de 3 milliards de nucléotides, un livre donc à 3 milliards de lettres. La tâche, vous l'imaginez, est sisyphéenne pour comprendre la fonction de chaque groupe de nucléotides et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Comment les derniers outils informatiques de réseaux neuronaux, de machine learning, peuvent-ils aider les scientifiques à comprendre, à tester, à répliquer, à modifier ce patrimoine énorme de 3 milliards de lettres et autant de combinaisons possibles, ce qui amène à des possibilités vertigineuses. Tout est là dans l'enjeu de la génomique computationnelle et de nos discussions dans l'heure qui vient avec deux des rares chercheurs en France à faire du deep learning en génomique, donc Flora Jay et Julien Mosiconacci. Génomique computationnelle, alors je vais vous laisser compléter, amender, corriger ma définition. Qu'est-ce que c'est exactement, Flora Jay? Pour moi, la génomique computationnelle, ça va être tous les domaines où on utilise un ordinateur, enfin l'informatique ou les mathématiques ou peut-être même la physique pour analyser des données génomiques et éclairer un peu ce qu'on sait déjà sur les processus biologiques derrière. Parfois, ça permet aussi d'émettre des nouvelles hypothèses qu'on peut ensuite retourner tester en labo. Donc, il peut y avoir comme ça un va-et-vient entre la partie computationnelle et puis plus expérimentale. Julien Modiconacci, votre complément d'information, votre correction. Je dirais que c'est quand on parle de génomique, pour moi, on parle d'une séquence de lettres ACTG. Et computationnel, ça veut dire que concrètement, moi, je passe ma journée devant un ordinateur à programmer. Et donc à programmer, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous programmez ? Vous programmez, vous testez des séquences de lettres. Comment ça se passe ? C'est quoi, par exemple, puisque vous parlez de votre journée, ça ressemble à quoi une journée de travail de Julien Modiconacci ? Alors c'est quand même assez variable, hein, de métier de chercheur à salade agréable qui a beaucoup d'activités différentes. Je vais parler plus précisément de la programmation. Donc là ce qu'on fait c'est, comme on ne fait pas d'expérience, la première chose qu'on va faire c'est de récupérer les données expérimentales dans des bases de données. On va les charger sur l'ordinateur et à partir de là, on va par exemple essayer de comprendre pourquoi telle séquence de lettres fait telle ou telle chose. Ça va être vraiment, et pour faire ça on va utiliser des réseaux de neurones. Quand est apparu ce domaine de recherche, Floraget, c'est assez récent, je l'imagine, puisque bien l'intelligence artificielle ou les récents progrès ont tout au plus une quinzaine d'années. À quel moment s'entrecroisent les deux disciplines ? Je dirais à partir des années peut-être 2010, qu'on a vraiment commencé à avoir un certain nombre d'études émerger. Et alors, par exemple, moi, dans mon domaine particulier, qui est la génétique des populations. Ça va même être plus tard, ça va être plutôt 2016, 2018, 2019, donc vraiment très récent. Moi, les premières études vraiment où j'ai vu l'intérêt des réseaux de neurones, c'était dans les années 2015, ouais. Où pour moi, il y a eu vraiment un gap qui s'est fait par rapport aux méthodes de bioinformatique classiques. C'est pour ça que maintenant, on parle de génomique computationnelle, parce qu'il y a eu effectivement cette évolution. Depuis, ça s'est vraiment accéléré. Maintenant, le nombre d'études qui sortent est assez vertigineux et c'est quelque chose dont il faut s'emparer parce que c'est un domaine très vivant. Oui. C'est-à-dire que si je le résume à grands traits une dernière fois, c'est vraiment mettre la puissance du machine learning et des réseaux de neuros pour traiter la masse d'informations colossales et la masse de statistiques ou en tout cas de probabilités possibles sur l'ensemble finalement de la répartition des nucléotides d'un ADN humain. Oui, exactement. Et il y a vraiment aussi une problématique de est-ce qu'il faut faire une partie de ce travail à la main en utilisant aussi tous les concepts, par exemple en génétique des populations, mais des concepts plus théoriques qui ont été développés pendant des années et qui sont très intéressants. Mais parfois, on atteint une limite de la quantité de données est tellement grande qu'on est sûr qu'on est en train de louper une partie de l'information. Donc, comment faire ça de manière potentiellement plus automatique pour trouver une information à laquelle on n'avait jamais pensé avant. Donc, c'est pas que le nombre de génome en tout, mais aussi de où est l'information. Oui, bien sûr. Alors, il y a une actualité très récente, hein, c'est le hasard complet. J'imagine que vous avez suivi ça. On en parlait hier dans le Journal des Sciences. On a appris la transplantation d'un cœur de porc dans un patient qui ne répondait pas aux critères pour une transplantation avec un organe humain. C'est évidemment un animal génétiquement modifié. Or, c'est l'une des branches ou l'une des possibilités ou l'un des domaines que va tester justement la génomique computationnelle qui doit permettre précisément de pouvoir adapter des organes, des génomes animaux au génome humain. Vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous savez déjà si ça a été utilisé pour cette transplantation et pour la modification du code génétique de l'animal qui a été utilisé, Julien Modiconacci ? Donc, dans le cas de réussite récente, ça n'a pas été utilisé. Pour l'instant, le cas est une réussite, mais voilà. Il faut attendre de voir. Attendre de voir ce qui va se passer. Combien de temps ça tient ? Dans le futur, effectivement, je pense qu'on pourra utiliser... Donc là, il y a eu quelques modifications seulement qui ont été faites sur l'animal. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on pourrait faire ça à une beaucoup plus grande échelle sur le génome et rendre en fait toutes les protéines qui vont être exprimées par les différents organes beaucoup plus proches des protéines humaines. Et là, on va réduire très fortement le risque de rejet. Et on va pouvoir étendre cette pratique à d'autres organes. Mais là, on parle d'un avenir vraiment peut-être à 10 ou 15 ans. Floraja, un commentaire sur justement l'une de ces applications-là ? Non, pas vraiment. Moi, je m'intéresse un peu moins à l'aspect fonctionnel des choses, et plus à l'aspect diversité génétique. Mais oui, je pense qu'on n'y est pas encore, clairement, mais... On va examiner tout au long de cette heure déjà exactement ce que l'on peut faire aujourd'hui, ce sur quoi vous travaillez l'un et l'autre. Vous travaillez sur des choses évidemment assez diverses et différentes. Et puis on va penser et on verra à la fin de cette émission quelles peuvent être les applications dans le futur. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 4h15, vous écoutez donc la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de génomique computationnelle en compagnie de Flora Jay et de Julien Modiconacci. Alors, on va repartir du début. Flora Jay, comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour décrypter l'ADN? Comment ça se passe concrètement? D'accord, alors peut-être avant, je vais parler un tout petit peu des données pour que les gens visualisent bien ce à quoi nous, on a affaire sur notre ordinateur tous les jours. Donc en fait, on s'intéresse à un échantillon d'individus d'une population. Alors là, en l'occurrence, ce sont des humains, mais parfois ça peut être n'importe quelle espèce. Voilà. Et... comme on a plusieurs individus d'une population ou d'une espèce, on observe toujours des différences génétiques, donc ces différences dans les nucléotides, et donc c'est ce qu'on appelle la diversité génétique. Et en fait, ce qui est très intéressant quand on a cette diversité génétique, c'est qu'elle nous dit quelque chose non seulement sur l'état actuel des choses, mais aussi sur le passé, tout le passé évolutif, donc c'est-à-dire par exemple la démographie ou l'adaptation de la population à son environnement au cours de milliers et de milliers d'années. Un exemple, bah, tout à l'heure il y avait un reportage sur la diversité, donc les espèces en danger, mm-hmm. Et donc on voit que ça peut être très difficile de trouver dans les faits chaque individu de chaque espèce pour les compter et observer leur déclin. Et bien en fait, avec les données génétiques de ces espèces, on pourrait inférer, c'est-à-dire estimer dans le passé la taille de population. Donc si elle était par exemple très élevée, cette taille, dans le passé lointain, et qu'on voit que récemment il y a un déclin très fort, on pourrait dire que l'espèce est en danger sans avoir eu à compter dans toute la planète le nombre d'individus. Et ce grâce aux données génétiques? Ce grâce aux données génétiques et à différentes techniques. Ça peut être des techniques classiques, pas forcément basées sur l'IA, mais ça pourrait être des techniques de machine learning, où donc toute l'idée, c'est d'extraire la bonne information dans cette quantité de génome pour lesquels on a plusieurs individus et 3 milliards de paires de bases. Quelle est l'information qui renseigne sur, ici, décrire l'histoire de population au cours du temps, par exemple. Très bien. Et alors, justement, le machine learning, dans ce cas spécifique, comment il fonctionne et comment il vous aide à extraire l'information que vous cherchez? Donc, il y a un peu... disons que le machine learning dont on parle souvent, et en particulier le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond, qui est basé sur des réseaux de neurones, il peut fonctionner de manière supervisée ou non supervisée. Mm-hmm. Les réseaux de neurones, en fait, ils vont juste approximer une fonction assez complexe. Mais comment cette fonction est apprise? Soit on donne au réseau de neurones des données avec une étiquette, mettons. Donc ça peut être des images de chats, de chiens, etc., avec leurs étiquettes. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Super. C'est ce qu'on connaît traditionnellement quand on vous demande, par exemple, de repérer des feux rouges pour se dire que vous n'êtes pas un robot. Vous faites de l'apprentissage supervisé en douce. Tout à fait. Exactement. Et donc la machine, petit à petit, apprend à force d'erreur à se corriger et à prédire la bonne étiquette. Donc pour les données génétiques, ça pourrait être pareil. Grâce à une base de données étiquetée, la machine apprend à prédire si là il y avait un déclin ou une expansion, puisque les signaux ne seront pas les mêmes dans le génome. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé, et Jean en reparlera tout à l'heure. Dans le reportage, voilà. Et l'apprentissage non supervisé? Donc l'apprentissage non supervisé, c'est ce qu'on a utilisé nous pour créer des bouts de génome. Donc dans ce cas, on donne uniquement les données à la machine, sans étiquette, et la machine cherche à comprendre d'elle-même quelles sont les caractéristiques importantes de ces données. Qu'est-ce qui est juste du bruit en fait, et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas louper. Typiquement, s'il y a des mutations qui arrivent tout le temps en même temps, donc à un endroit du génome et à un autre, il y a tout le temps un A, tout le temps un T, ou alors il y a tout le temps un C et tout le temps un T, mettons, un G, eh bien ça c'est une information que la machine va retenir. Donc l'idée c'est que sans lui dire a priori quoi regarder, la machine doit apprendre les caractéristiques majoritaires et en quelle proportion elles sont dans les données. À votre tour, Julien Modiconacci, comment, alors vous ne travaillez pas tout à fait de la même façon sur le même secteur. Comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle justement pour avancer, pour décrypter, pour comprendre l'ADN? Donc moi je m'intéresse beaucoup à la régulation des gènes, notamment des gènes dans les différentes cellules de notre corps. Et il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites depuis qu'on a la séquence du corps humain pour essayer d'annoter cette séquence. C'est-à-dire d'attribuer à chacun des 98% dont on ne connaît pas vraiment la fonction, d'assigner une fonction en faisant des expériences. On va par exemple chercher quelle protéine se lie sur ces séquences. Mmh. Eh bien, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces données pour essayer de les recréer artificiellement grâce à un réseau de neurones, à partir de la séquence. Donc l'intérêt de faire ça, c'est que si on sait recréer artificiellement ces données d'annotation à partir de la séquence, on va être capable de changer cette séquence et de regarder comment cette mutation affecte l'annotation que l'on considère. Et donc ça va être très intéressant déjà pour essayer de comprendre l'effet de certaines mutations dont on sait qu'elles sont statistiquement représentées dans certaines maladies. Mais ça veut être aussi intéressant pour fabriquer des séquences avec des propriétés voulues. On avancera tout à l'heure et on parlera justement de l'intérêt d'essayer de mettre en place ces génomes dits artificiels. Ça me fait penser, on en avait parlé ici, Julien Modiconacci, à des travaux et à l'utilité cruciale de l'intelligence artificielle, notamment dans l'étude du repliement en trois dimensions des protéines. Ça a quelque chose à voir avec ce que vous faites ? Alors oui, mais à un autre niveau, c'est-à-dire que moi je m'intéresse aux 98% de l'ADN qui justement ne code pas pour les protéines, mais il est aussi très intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe pour l'ADN qui code pour des protéines. Et donc de la même manière, là on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour changer artificiellement la séquence des protéines et regarder comment ça va affecter leur repliement tridimensionnel et de manière consécutive leur fonction. Alors, parlons un peu justement de cette notion, puisque vous l'avez abordé l'un et l'autre, de génome artificiel. Alors, on n'en est pas aujourd'hui du tout à la création d'un génome anti-artificiel, mais pour vous, Flora Jet, dans votre travail justement sur la génétique des populations, quel est l'intérêt de faire varier, de moduler des séquences génétiques pour précisément augmenter la somme de connaissances ou avancer dans vos recherches? Alors, l'intérêt, il est multiple, mais je vais parler déjà de l'application en fait la plus claire, idéale, à laquelle on n'est pas encore, mais qui explique bien le concept. En fait, il y a donc ces données que je décrivais tout à l'heure et qu'on a pour l'humain. Il y en a une partie qui sont publiques, auxquelles tout le monde a accès, chercheurs, même, enfin n'importe qui, vous pouvez les télécharger en ligne. Mais on a de plus en plus de personnes séquencées actuellement dans le monde, que ce soit par des instituts publics qui créent par exemple des biobanks, des banques de données, par exemple pour la Grande-Bretagne ou pour l'Estonie ou d'autres pays, et donc qui ont des milliers et des milliers d'individus, ou des entreprises privées qui font par exemple des tests génétiques personnalisés, pas en France, mais qui ont aussi une énorme quantité de données. Bien sûr, mais ces données génétiques-là, elles ne sont pas accessibles. Exactement. Elles ou sont, difficilement. Soit complètement inaccessibles, parce que, par exemple, les entreprises potentiellement voudraient plutôt les monétiser, mettons, ou difficilement accessibles pour des raisons éthiques qui se comprennent totalement, mais aussi parce que à la fois les entreprises ou les instituts publics ont peur de cette perte de confidentialité de l'individu qui a donné son ADN à séquencer. Et donc, pourquoi cette peur, elle se comprend en partie, puisque quand on donne notre ADN, on donne un petit peu d'informations sur nous-mêmes. Par exemple... Un tout petit peu, légèrement. Par exemple, on donne une information sur les traits probables phénotypiques qu'on aurait. L'exemple classique, ce serait la couleur des yeux, qui est assez évident. Les autres traits phénotypiques aussi sont liés à des mutations. On ne connaît pas tout le temps exactement bien, c'est pas complètement déterministe. C'est ça que je veux dire quand je dis un petit peu, c'est qu'on n'aura jamais la personne de manière déterministe juste à partir de son ADN. Et puis, il y a aussi une partie des mutations qui pourrait être liée à un risque un peu plus élevé d'avoir telle ou telle maladie. Et puis, deuxièmement, il y a le fait que quand on donne son ADN, on ne donne pas que son ADN. En fait, on donne un peu l'ADN de nos parents. On partage la moitié de notre ADN avec notre père, la moitié avec notre mère. Puis l'ADN de nos frères et sœurs, et puis l'ADN de nos familles. Mmh. Donc il y a cette problématique compliquée et donc, la raison pour laquelle, pour l'instant, les gens préfèrent s'assurer de la confidentialité de ces données. Donc ça, c'est la raison. Et du coup, la solution, enfin, une des solutions qu'on propose, c'est d'essayer d'imiter, en fait, ces données-là qui sont difficilement accessibles pour que les instituts puissent donner non pas les données de génome de véritables humains, mais des données qui leur ressemblent fortement et qui seraient quand même très utiles pour nous, chercheurs, pour qu'on puisse les intégrer dans nos études. Mmh. Justement, donc du coup, l'intérêt de ces génomes artificiels, c'est finalement non seulement d'augmenter la disponibilité de génomes d'études pour les chercheurs, c'est aussi la possibilité de voir, pour vous, Julien Mosiconacci, de tester des variations pour comprendre leurs effets, leurs conséquences, et donc de pouvoir avoir des terrains d'expérimentation qui soient finalement plus éthiques que si on manipulait de l'ADN humain. C'est une question, hein, oui ou non. Alors, donc moi, les manipulations entre guillemets génétiques que je vais faire, ça va pas concerner l'humain, parce que justement, dans ce cas-là, il y a des considérations éthiques importantes. Donc, pour l'instant, nos jouets, si on peut dire, ça va être les bactéries, les levures, voire les souris. Mais on va pas aller jusqu'à l'humain. Ce qu'il est possible d'envisager, c'est de faire des génomes artificiels humains qu'on va intégrer dans des cellules de culture. Ça pose pas forcément de problème éthique. Ce qui n'est pas possible d'envisager, c'est bien sûr de fabriquer des humains synthétiques. Bien sûr, évidemment. Alors, on va prendre un exemple précis, puisqu'il est également possible d'avoir recours à ces réseaux de neurones pour étudier la génétique de populations bactériennes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Flora Jay, puisque nous allons aller à la rencontre de l'un de vos post-doctorants avec Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et ce type de méthode repose ici sur de l'apprentissage supervisé d'un réseau de neurones qui est entraîné à retrouver l'histoire démographique de populations bactériennes à partir de la variabilité génétique d'un échantillon. Jean Curie est post-doctorant au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique à l'université Paris-Saclay et avec son équipe, ils ont recours à des simulations qui miment des populations bactériennes et qui vont servir à l'apprentissage de ce réseau de neurones. Cette méthode en est pour l'instant au stade du prototype, mais pourrait bien avoir des implications aussi bien dans le domaine médical que dans des recherches en archéologie et notamment en paléopathologie. La génétique des populations, ça vise à comprendre l'histoire d'une population à partir de la variabilité génétique d'un échantillon de cette population. Donc juste en prenant un instantané de cette population, essayer de reconstruire le passé de cette population, soit en termes de démographie ou en termes de sélection naturelle, par exemple. Et les différentes méthodes qui existent déjà, qui sont basées sur, pour la plupart, sur des modèles mathématiques qui modélisent ce type de processus, reposent sur des hypothèses qui ne tiennent pas forcément, qui ne sont pas valables pour les bactéries. Et ça, c'est en partie dû au fait que les bactéries ont des génomes très compacts. Pour donner un ordre d'idée, un génome de bactéries sera de l'ordre du million de nucléotides, alors qu'un génome humain sera de l'ordre du milliard. Donc l'idée, c'est d'utiliser des réseaux de neurones qui vont être capables, on espère, de séparer les différents signaux et de reconstruire ce qu'on veut. Parce qu'il a été montré par ailleurs que les méthodes qui existent déjà et qui marchent plutôt bien pour les humains, par exemple, ne fonctionnent pas pour les bactéries. Donc nous, pour l'instant, là, on est à un stade de développement de la méthode. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est entraîner des réseaux de neurones, justement, pour résoudre cette tâche de reconstruire une histoire démographique. Donc, pour ce faire, on est dans un cadre d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on va donner à un réseau de neurones des exemples dont on connaît la solution, et le réseau de neurones va entraîner à retrouver les solutions à partir des exemples d'entrée. Donc, les exemples d'entrée, c'est les instantanés d'un échantillon, donc la diversité génétique, typiquement un alignement de séquences. Donc c'est ça qu'on donne au réseau de neurones, et en sortie, il nous donne une histoire démographique, donc la taille au cours du temps, par exemple. Est-ce que vous travaillez sur un type de population bactérienne en particulier, ou bien est-ce que c'est assez vaste, est-ce que c'est assez ouvert ? Pour l'instant, ça reste assez ouvert parce qu'on est dans une phase un peu de défrichage et de développement de méthodes. On se repose sur des simulations. Après, ces simulations, elles sont paramétrées sur une population, en l'occurrence de Streptococcus agalactiae, ou dans l'idée, c'est de l'appliquer avec des collègues de l'Institut Pasteur. Voilà. Pour qu'on comprenne bien un peu ce qu'il y a au cœur de ce travail-là, le réseau de neurones, pour des novices comme nous, comment il fonctionne, comment vous l'éduquez, entre guillemets. Un réseau de neurones, c'est comme une très grosse fonction mathématique et qui est capable d'approximer un très grand ensemble de fonctions. Et donc, on l'entraîne en lui donnant beaucoup, beaucoup d'exemples à manger. Et quand il se trompe, on lui dit qu'il se trompe et il se corrige un peu lui-même. Pour ça, on doit donner beaucoup, beaucoup de simulations. En l'occurrence, c'est des simulations. Donc, dans la vraie vie, pour d'autres tâches, ça peut être des exemples pour lesquels on a la solution. Mais ici, en l'occurrence, on n'a aucune population pour laquelle on sait exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'on a recours à des simulations. Et donc, on génère des milliers de simulations et par un processus itératif, le réseau de neurones va essayer de retrouver ce qui lui permet de donner une histoire démographique à partir de la variabilité génétique. Ça nécessite aussi un travail sur la construction du réseau de neurones et son architecture, et parce que c'est pas trivial à construire. Vous le disiez tout à l'heure, on en est à l'étape un petit peu préliminaire du développement et de la validation de la méthode. Quelles vont être les prochaines étapes, les prochains obstacles à franchir pour vous? Donc là, on en est à vérifier que le réseau qu'on a entraîné fonctionne déjà plutôt bien et voir par rapport aux méthodes dont on sait qu'elles marchent moyennement, voir si elles marchent un peu mieux déjà, qu'elles ne subissent pas les mêmes erreurs dues au même biais. Et aussi voir un peu si ces méthodes sont robustes à différents bruits que peut y avoir dans le signal, que ça soit un bruit dû au séquençage, aux erreurs de séquençage, ou un bruit, parce que là on travaille aussi avec des génomes anciens, et donc de voir si les erreurs dues à de l'ADN ancien, donc voir si ces méthodes sont robustes aux dégradations qui sont dues à de l'ADN ancien. Quand vous parlez d'ADN ancien, on parle de quelle échelle temporelle? Qu'est-ce que c'est un ADN ancien? Donc là, les génomes sur lesquels on travaille, c'est des génomes de Salmonella qui ont entre 500 et 1000 ans, voire un peu plus même. C'est des génomes qui ont été retrouvés sur des cadavres qui sont morts il y a 500 ou 1000 ans. Et donc ce génome, l'ADN de ces bactéries se dégrade assez rapidement. Pourquoi faire le choix justement de prendre des génomes anciens? Parce que ça, c'est intéressant. Là, on pourrait se dire, en fait, on parle de 2022, donc on va étudier des génomes de bactéries qu'on trouve en 2022. Donc c'est aussi ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, c'est pour répondre à des questions historiques ou archéologiques, de savoir, donc là, c'est des génomes qui sont certains au Mexique et d'autres ailleurs dans le monde, et pour savoir si c'est des bactéries qui ont été importées par des colons ou non, ou qui étaient déjà là, et comprendre si ces bactéries sont responsables de maladies là-bas. Donc cet outil-là et le recours au réseau de neurones peut avoir des fonctions, on l'a compris, dans le domaine de la santé publique, mais dans un champ de recherche aussi extrêmement varié, en archéologie par exemple. Voilà, et c'est ce qui se fait aussi finalement beaucoup en génétique des populations humaines, où il s'agit de reconstruire les histoires relatives d'Homo sapiens, de Néandertal, et des différentes migrations humaines au cours de l'histoire. Voilà, Jean Curie dans le reportage du jour sur cette génétique des populations bactériennes. Vous le connaissez bien, Flora, je vais vous laisser réagir à ce reportage, nous dire un mot sur ces travaux. Effectivement, on travaille ensemble quotidiennement et donc c'était typiquement un exemple d'apprentissage supervisé. Il a un peu pointé vers quelque chose d'intéressant qui est que les réseaux de neurones, on parle d'apprentissage automatique, mais il faut quand même que quelqu'un les design à un moment, ces réseaux, même si en ce moment il y a une recherche un peu pour qu'ils soient designés de manière eux aussi complètement automatique. Mais donc une partie de notre travail en fait, c'est de construire des réseaux qui d'habitude peut-être sont utilisés sur des images, comme on le voit souvent. On parle tout le temps d'images de chats. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est des génomes. Donc comment les rendre un peu vraiment pertinents pour des données génétiques. Voilà. Une réaction à ce reportage, Julien Mozzi-Conacci? Ce que me fait penser ce que vient de dire Flora, c'est que en fait, la manière dont on le fait, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est de transformer en fait le génome en une image. Et donc l'image qu'on va créer, ça va être une image qui va avoir la taille du génome, donc peut-être 1 milliard de pixels de long et seulement 4 pixels de large, puisque chaque pixel va correspondre au ACTG. Et en fait, une fois qu'on a fait cette transformation, finalement, il y a beaucoup de méthodes qu'on utilise, nous, aujourd'hui, en génomique, qui viennent, en fait, des méthodes d'analyse d'image, puisque là, il y a eu vraiment une recherche antérieure et des architectures très puissantes qui ont été développées et qu'on peut réutiliser tous les jours pour nos données. Ouais. C'est-à-dire que vous faites avec le génome un peu ce que fait ce site donc, qui avait fait pas mal de bruit à un moment donné, qui s'appelle This Person Does Not Exist, et qui était un réseau de neurones qui reconstitue des visages humains, mais qui sont des visages totalement fictionnels et qui sont absolument bluffants de réalité. C'est finalement à peu près la même chose, mais appliqué au génome. Alors c'est ce que fait Flora. Donc, tout à fait, c'est ce qu'on fait nous, donc, et c'est un bon exemple. Donc les GAN par exemple, dont on va parler peut-être plus tard, ont été connus pour ça en fait. Je vous montre les GAN, rappelez-nous ce que c'est. Les réseaux génératifs adverses, un type de réseau de neurones. Mais d'abord, j'explique un peu l'application. Donc, si je vous montre deux images de personnes, deux photos de personnes, et je vous demande laquelle est vraie, vous serez potentiellement incapable de me le dire parce que même les deux images, en fait, ont été générées par un réseau et ne correspondent à aucun individu réel. C'est pas non plus un portrait robot d'une personne, c'est vraiment une personne différente. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec les données génétiques, parce qu'on veut pas juste copier en particulier un génome qui serait presque comme le vrai génome de quelqu'un. On veut un génome de quelqu'un de différent pour ne pas avoir de problème de confidentialité. Et alors, on va reparler des GAN peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de même une question qui s'adresse à vous deux. Comment est-ce que vous pouvez garantir que ce génome est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas absolument aléatoire, et que les séquences de nucléotides correspondent bien à du codage pour celles qui codent ou à d'autres fonctions génétiques pour les 98 autres pourcents. Comment est-ce que l'intelligence artificielle s'assure de ça et comment vous pouvez le contrôler? Alors nous, dans notre application, on a simplifié un peu le problème puisqu'on s'intéresse à l'aspect diversité génétique. Donc déjà, toute la partie du génome qui n'est pas variable dans les populations humaines, en fait, on le considère comme fixe. Nous, on n'y touche pas. D'accord. Donc on touche uniquement à certaines positions du génome où on sait qu'il y a déjà des différentes mutations qui existent en fait dans la vraie vie chez des vraies personnes. Donc bon, a priori déjà on diminue le risque d'être disruptif. Bien sûr, si on génère des combinaisons de mutations à différents endroits du génome qui n'ont jamais été vues, potentiellement, elle pourrait rendre le génome non fonctionnel. Mais comme le but de la machine, c'est plutôt de ne pas faire ça, justement, d'éviter de faire ça, de générer quelque chose qui n'a jamais été vu nulle part, voilà, a priori, on est plutôt dans l'ordre du fonctionnel. Vous voulez ajouter quelque chose, Julien ? Je dirais que effectivement, on peut, en se basant sur la diversité naturelle, penser que les génomes que Flora va créer ne vont pas poser de problème. Maintenant, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on pourrait utiliser d'autres annotations fonctionnelles, typiquement les annotations des expériences de séquençage dont je vous ai parlé un petit peu au début, qui vont nous permettre d'annoter ces 98% pour voir si les mutations introduites ou leurs combinaisons vont modifier les annotations. C'est une possibilité. On est là vraiment dans le stade de projet. On va continuer à discuter de cette génomique computationnelle, des possibles applications. On retrouvera également notre doctorant, comme chaque semaine, dans la recherche montre en main. Ce sera juste après ça. The sun is us. Ooh, oh. like a human, yeah. Party like a human. Party like a human, yeah. Party like a human. Party like a human. Party like a human. Party like a human de General Electric à 16h40 sur France Culture. Nous parlons de génomique computationnelle tout au long de cette heure en compagnie de Flora Jay, qui est chercheuse CNRS au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique à l'université Paris-Saclay, et Julien Mosiconacci, qui est professeur en biologie computationnelle au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jérémy Grignard. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur les méthodes computationnelles pour améliorer les phases primaires de recherche de nouveaux médicaments. C'est une thèse en préparation à l'école polytechnique en informatique, données, intelligence artificielle. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Bonjour. Tout d'abord, merci à Monsieur Martin pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Et pour cette introduction, donc en effet, l'objectif de ma thèse est d'améliorer les phases primaires de recherche pharmaceutique en développant des méthodes computationnelles. Le processus de découverte de nouveaux médicaments est en effet très long, très coûteux et très risqué. Pour vous donner des ordres de grandeur, en moyenne, entre le début des phases de recherche à la mise sur le marché d'un médicament, plus de 10 ans se seront écoulés et des milliards d'euros auront été investis. Le taux d'échec des candidats médicaments est aussi très important et en fonction des maladies à traiter, il peut atteindre 99%. Grâce aux méthodes computationnelles, nous pouvons augmenter la probabilité de succès des candidats médicaments tout en réduisant les coûts et les risques. L'idée est de voir les cellules comme des ordinateurs et les réactions biochimiques à l'intérieur comme des programmes, et ce pour comprendre le code du vivant. Le fil d'Ariane de ma thèse est d'étudier des parties de ce code sous trois angles. Premièrement, développer un graphe de connaissances qui permette de relier toutes les données du vivant, c'est-à-dire avoir une représentation globale des gènes, des processus biologiques, des maladies ou encore des médicaments, et surtout les différents liens entre eux. Le graphe qu'on développe s'appelle Pegasus, qui s'apparente à un logiciel espion du vivant, et plus il est nourri, et plus notre compréhension du vivant est grande. Nous utilisons par la suite des algorithmes d'intelligence artificielle sur Pegasus pour répondre à des questions très concrètes. Par exemple, OK Pegasus, peux-tu nous indiquer l'ensemble des protéines dérégulées dans la maladie de Charcot et nous indiquer également l'ensemble des molécules chimiques qui pourraient les inhiber? Nous réalisons aussi des expériences qu'on appelle de criblage phénotypique. Concrètement, on prend des cellules, comme des neurones, on les colore avec des marqueurs fluorescents et grâce à des logiciels d'analyse d'image, on observe la modification de ces cellules dans différentes conditions, par exemple des perturbations génétiques. Les résultats sont très riches et compliqués à analyser. En effet, des milliers de variables décrivent ces cellules et les résultats qu'on peut observer sont inconnus. La deuxième contribution de ma thèse porte ainsi sur le développement d'algorithmes informatiques pour améliorer la conception et l'analyse de ces expériences. Les méthodes développées permettent de détecter et de caractériser par exemple des phénotypes cellulaires inconnus. Il y a un véritable engouement autour de ce type d'expérience, de criblage phénotypique. Et pour vous donner un petit exemple, nous travaillons au sein du projet international JumpCP qui regroupe des dizaines d'entreprises pharmaceutiques et qui est piloté par le Broad Institute du MIT et de Harvard. Avec ces deux contributions, globalement le graphe de connaissances Pegasus et l'amélioration du criblage phénotypique, on approfondit notre compréhension des processus cellulaires. De plus, il existe un outil puissant, la modélisation mathématique, qui permet de comprendre des processus biologiques mal caractérisés de façon déterministe et mécanistique. C'est tout l'objet de la troisième contribution de ma thèse qui porte sur le développement de modèles mathématiques. À titre d'exemple, nous avions des résultats d'expérience inattendus. Des molécules cerviers qui devaient avoir un effet sur une protéine n'avaient aucune activité sur cette protéine dans les neurones. Les modèles mathématiques qu'on a développés nous ont permis d'expliquer rationnellement l'inactivité de ces molécules et ont permis d'identifier une nouvelle cible thérapeutique à moduler pour certaines maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Pour résumer, les contributions de ma thèse répondent concrètement à des problématiques de plusieurs projets thérapeutiques. La modélisation mathématique couplée au graphe de connaissances Pegasus et au criblage phénotypique améliore comme un tout les phases primaires de recherche pharmaceutique. Pour pérenniser mes travaux et pour continuer à améliorer ensemble notre compréhension du code du vivant, j'ai été recruté au sein de l'Institut de recherche Servier après ma thèse. Pour l'occasion, je tiens à remercier sincèrement et amicalement mes deux directeurs de thèse, François Fage et Thierry Dorval, sans qui les lignes de cette histoire n'auraient pas été écrites. Je remercie également tous les scientifiques avec qui je collabore chez Servier et INRIA et qui se posent énormément de questions. Le doute est une caractéristique essentielle qui fait avancer la recherche et à terme le domaine des connaissances. Car le fait de douter soulève des questions fondamentales. Et c'est en répondant à ces questions qu'on essaye, dans notre cas, de découvrir de nouveaux médicaments pour soigner des maladies humaines. Merci. Merci Jérémy Grignard pour cette présentation et pour cet éloge du doute. C'est du doute fécond en science et en recherche. Une réaction l'un et l'autre à ces travaux de recherche, Julien Mosiconacci. Donc c'est vrai que pour la recherche de médicaments, on a été depuis longtemps limité à l'utilisation plutôt de la dynamique moléculaire. Donc l'idée c'était de voir comment une petite molécule peut ou pas interagir avec une protéine. Et ça c'est très très coûteux en temps. Mmh. Et là il va y avoir un gros apport à mon avis de l'intelligence artificielle sur ce domaine-là et d'autres comme ceux dont a parlé Jérémy. Et notamment, il y avait un problème qui était très complexe, c'est à partir d'une séquence d'ADN, donc un peu sur les travaux que présentait Julien, c'était de prédire la structure 3D de la protéine associée à la séquence d'acide nucléique. Et il y a une société qui s'appelle DeepMind qui a fait un grand bond dans ces fameuses prédictions de structure 3D. Et derrière, ce qui se cache, ce sont des réseaux neurones très profonds et dont la construction est aussi, et c'est aussi toute la puissance des réseaux de neurones. En partie, c'est qu'est-ce qu'on lui donne à manger. Et ça vient un peu vraiment du domaine de l'expertise, du domaine biochimique, du domaine protéomique, etc. Oui. Oui, on avait évoqué justement ces travaux de DeepMind sur le repliement 3D des protéines. Une réaction également peut-être, Florager, à ces travaux. Oui, non, par rapport à ces travaux, je voulais dire que ce qui se dit aussi, c'est qu'on n'a pas tout à fait fini, parce que c'est l'intérêt de la recherche, bien sûr, c'est que les réseaux de neurones, souvent, sont très performants d'un point de vue prédictif, mais ils ne sont pas forcément tout le temps très interprétables. Et c'est-à-dire pas tout le temps très grave, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément pourquoi ils ont fait telle ou telle prédiction. On comprend bien, par exemple, dans le cadre du diagnostic, si un médecin se repose sur un algorithme mais n'est pas capable d'expliquer au patient pourquoi il doit être opéré ou non, on voit bien que c'est problématique. Bien sûr. Mais on peut comprendre aussi comment nous, dans nos domaines de recherche en biologie, on a toujours voulu un peu comprendre d'un point de vue aussi mécanistique qu'est-ce qui se passe vraiment. Et je trouve que et peut-être Julien en parlera parce qu'il a aussi... bosser sur l'interprétation de ces réseaux dans son cadre. Et donc, pareil pour les protéines, on ne sait pas forcément, même si les réseaux sont très bons, on ne sait pas forcément qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue physique. Et là, il y a plein de domaines émergents à la croisée, disons, un peu de la physique et du deep learning. Mmh. Julien Mosiconacci. Bah, une manière d'interpréter, donc c'est tout à fait vrai, hein, cette histoire qu'on appelle ça la black box, une manière d'ouvrir un petit peu cette boîte noire qui est très simple et très simple à comprendre, c'est que comme on a le pouvoir de faire des mutations et de regarder comment ça change les annotations, comment ça va changer la sortie du réseau, et ben c'est tout simplement de faire toutes les mutations possibles et du coup de voir où dans la séquence se situe l'information qui a été utilisée par le réseau pour produire l'annotation. Et comme ça, on peut remonter au mécanisme biologique et donc ouvrir en fait la boîte noire. Vous voulez dire un mot, Jérémy Grignard ? Oui, nous, en fait, ce qui est super intéressant, mais c'est des travaux qu'on va faire après la fin de rédaction de mon manuscrit de thèse, c'est d'utiliser en fait des réseaux de neurones où la couche d'entrée vont représenter les données d'expression omique, donc au niveau des gènes. Et en fait, on change un peu de paradigme, c'est qu'on va construire de façon manuelle et experte le réseau de neurones, où les neurones des différentes couches cachées vont représenter ce qu'on appelle des termes ontologiques, qui sont des termes qui permettent de décrire un domaine de connaissance, par exemple celui des gènes, je sais que cette protéine est impliquée dans tel processus biologique, etc. Et par la suite, donc, on va entraîner ces réseaux de neurones et on va regarder comment vont évoluer, par exemple, les poids associés à ces différents neurones. Et en fin de compte, les neurones, comme ils représentent des objets qu'on comprend, On observe, après l'analyse de ce type d'optimisation des réseaux de neurones, ça nous donne un sens particulier. Les poids, c'est-à-dire l'importance d'un de tels groupes de neurones par rapport à d'autres. Exactement. En fonction des choix qui sont effectués par le réseau. J'aimerais que vous nous disiez un mot, Jérémy Ozekonachi, également sur vos travaux que je trouve assez intéressants et parlants. Vous travaillez notamment et particulièrement à un point précis qui est la modification de l'espacement des nucléosomes. Alors, il faut nous rappeler ce que c'est qu'un nucléosome et pourquoi travailler sur les... Oui, il faut revenir à la base, hein. Parce que vous levez. Si je reviens à la base, je dirais que les nucléosomes, c'est un petit peu la différence entre nous et les bactéries, d'une certaine manière, puisque c'est un complexe de protéines en fait qui a paru au cours de l'évolution et qui a permis l'explosion de la taille des génomes. Donc les bactéries ont, comme on l'a entendu dans l'émission, un génome compact, c'est-à-dire qu'il est composé essentiellement de gènes qui sont les uns à la suite des autres. Nous, on a 2% de gènes, 98% qui sont des non-gènes, mais pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'ADN dans un petit espace, qui est le noyau des cellules, et c'est le nucléosome qui est responsable de cette compaction extrême. Et il a un deuxième rôle, le nucléosome, c'est qu'il va aussi, en quelque sorte, être un miroir de l'expression des gènes dans chaque cellule. C'est-à-dire que là où il y a des nucléosomes, le long de la séquence d'ADN, ce sont des séquences qui vont être masquées, qui ne vont pas être utilisées dans cette cellule-là. Et là où les séquences sont utilisées, eh bien, le nucléosome il est évincé. Et donc il y a des trous de nucléosomes à l'endroit exactement où on va utiliser la séquence d'ADN dans chacune de ces cellules. Donc ces nucléosomes, il devient intéressant d'essayer de prédire leur positionnement le long de la molécule d'ADN en fonction de la séquence sous-jacente. Donc nous, on a fait ça avec un modèle de deep learning. Donc on a pris des données de positionnement de nucléosomes le long de la séquence de la levure cérévisée et on a entraîné le modèle à prédire ce positionnement. Ce positionnement chez cérévisée, il a une propriété assez simple et même basique qui est que l'espacement entre nucléosomes est de 167 paires de bases. Et ça, c'est vrai tout le long du génome. Il y a d'autres organismes pour lesquels cet espacement varie. Le plus grand qu'on connaisse, le plus grand espacement qu'on connaisse, c'est celui du sperme d'oursin, où on a là un espacement de 237 paires de bases, ce qui est quand même beaucoup plus grand si on pense à l'échelle de la structure moléculaire. Mmh. Et donc, ce qu'on a fait avec notre réseau de neurones, c'est maintenant l'utiliser pour créer une séquence qu'on va introduire chez la levure et qui va avoir l'espacement de 237 paires de bases. Et l'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir tester directement l'effet de cet espacement des nucléosomes sur, bah, par exemple, la transcription des gènes. Mmh. Et quels sont les résultats que vous obtenez quels sont les résultats préliminaires? En tout cas, qu'est-ce que ça fait justement de changer cet espacement? Alors, les résultats préliminaires, c'est que déjà, on a réussi à le faire. Donc, on a effectivement vérifié expérimentalement que l'espacement des nucléosomes avait changé sur les séquences synthétiques qu'on a fait. Et là, on attend les résultats de séquençage maintenant de l'ARN qui vont nous permettre de regarder l'effet de cet espacement sur l'expression des gènes. Sur la transcription potentielle en protéines. Sur la transcription. Ouais, ouais. Vous dites que vous travaillez là sur la levure. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il était possible que vous puissiez à un moment donné transcrire ou en tout cas incarner ces recherches sur d'autres modèles animaux. Oui, alors sur la souris par exemple, il y a vraiment un des grands enjeux de la biologie du développement et de la différenciation cellulaire, c'est de comprendre le code de différenciation cellulaire. Donc en fait, plan de l'organisme tel qu'il se construit au cours du développement est bien évidemment quelque part encodé dans le génome. Et par contre, on n'a aucune idée très peu d'idées de comment reconstituer ce plan à partir du génome. On parle du plan du développement embryonnaire. Exactement. De l'embryon jusqu'à l'individu. Exactement. Et donc, on peut en fait un peu simplifier la question en disant, eh bien, à quel endroit et à quel moment dans l'embryon va être exprimé tel ou tel gène. Eh bien, ça, on sait que ce programme, il est encodé dans les régions voisines de chacun des gènes. En fait, chacun des gènes, il a ce qu'on appelle son domaine génique. Et dans ce domaine génique, il y a les séquences qui vont lui dire à quel moment et où être exprimé dans l'embryon. Ce qu'on peut espérer faire grâce à l'intelligence artificielle, c'est de comprendre, ou en tout cas d'émuler ce code grâce à l'ordinateur, et du coup de fabriquer des séquences qui vont permettre à un gène rapporteur, par exemple un gène fluorescent, d'être exprimé où on veut et quand on veut dans un embryon en train de se différencier. Donc on aura un peu percé le mystère du développement. Ouais. Autre chose, pour revenir à cette notion de génome synthétique, le projet Human Genome Project qui a permis le séquençage du premier génome a lancé depuis 2016 un projet qui s'appelle Human Genome Project Write, avec l'ambition de créer un génome synthétique entier. Flora Jay, où en est-on? C'était en 2016, nous sommes en 2022. On est en 2022, c'est bien ça? J'ai eu un doute un instant. Est-ce que cette ambition, d'un génome artificiel entier, qui serait peut-être libre d'accès, qui permettrait ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de faire des recherches indépendamment des questions d'éthique et de confidentialité, il est en cours, il est accessible dans les mois, les années qui viennent? Oui, donc je peux dire où on en est, nous, en tout cas avec nos approches, c'est que pour l'instant, on arrive à générer quand même des grandes portions, c'est-à-dire peut-être 4 millions, 5 millions de paires de bases, donc qui contiennent peut-être 10 000 vraiment sites variants. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le génome complet, c'est 3 milliards de paires de bases. Ce qu'on peut aussi faire, c'est générer des sous-parties régulières des génomes et sauter, si vous voulez, des bouts. Et ça a toujours un intérêt parce qu'en fait, il y a plein d'études en génétique des populations qui n'utilisent pas forcément tout le génome, mais seulement des morceaux espacés de manière régulière. Typiquement pour la génétique médicale ou faire des scans à sélection. Un scan à sélection, ça voudrait dire trouver un endroit du génome qui a été soumis à une pression de sélection. Parce que peut-être il y a une mutation qui est bénéfique dans un certain environnement. Par exemple, la mutation qui permet de vivre à haute altitude au Tibet et dont on a montré qu'elle venait, en fait, c'est un ensemble de mutations qui venait probablement de Denisova, le cousin de Néandertal. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça reste utile, mais pour l'instant, c'est pas encore, par contre, générer exactement d'un coup les 3 milliards de paires de bases. On pourrait le faire de manière parallèle, mais d'un point de vue peut-être électricité, ce serait pas forcément satisfaisant. On aimerait faire quelque chose d'un peu plus malin que de lancer plein de machines en parallèle qui se débrouillent toutes seules. Donc ça on y travaille encore. Ça demande des changements un peu dans l'architecture, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, être capable d'extrapoler d'une région à une autre, par exemple, et pas de tout réapprendre du début. On touche un peu au domaine du transfer learning, où on a cette idée qu'un réseau qui a été appris sur un jeu de données ou un endroit du génome, on n'a pas envie de le jeter complètement à la poubelle. On pourrait le réutiliser et de certaine manière le polir, l'adapter un peu plus, ouais. À un nouveau jeu de données. Et donc ça permet aussi de réduire les ressources en temps de calcul utilisées. Est-ce que vous avez une idée pour conclure d'une échéance, d'un moment où on sera arrivé à ces 3 milliards de bases synthétiques complètes? C'est difficile à dire. Je dirais peut-être quelques années, mais pour nous, quelques années, je pense. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Flora Jay, merci Julien Mozzi-Conecci, merci Jérémy Grignard d'être venu nous parler de génomique computationnelle. Vous pouvez retrouver évidemment comme chaque jour des liens vers tout un tas d'études, de papiers sur notre fil Twitter pour compléter votre écoute de cette émission. La méthode scientifique, c'est comme chaque jour Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Céline Lozen, Noémie Naga de Saint-Vulfran, Vivian Lecuivre à la réalisation et Dimitri Paz à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, également sur franceculture.fr, et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.